Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Kadhalik, et on finit avec hada, al-mahram lil-mar'a. Ça c'est la sixième condition lil-wujub. Ta'ammalu qawlana lil-wujub. Léanna l'an, il y aura une mas'ala, est-ce que son hajj il a accepté amla si la femme elle fait le hajj sans mahram. Nahnu l'an, par étape on commence, short lil-wujub. Aïe, si elle n'a pas de mahram, c'est pas obligatoire pour elle. Le fait qu'elle le fasse sans mahram, c'est autre chose. Et c'est ce qu'on verra. Al-an, al-mar'a, si elle n'a pas de mahram, al-hajj c'est pas wajib pour elle. Ou elle aussi elle a la capacité financièrement et physiquement. قال الشيخ عبد المحسن في تفسير الناسخ قال والمرأة القادرة ببدنها ومالها لا تكون مستطيعة إلا بوجود محرم لها يحج معها محرم كيف الحج avec elle. قال لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ça c'est قول النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا donc النبي صلى الله عليه وسلم il a démontré que المرأة elle ne voyage pas إلا مع محرم un homme il a entendu cette parole du prophète صلى الله عليه وسلم et lui a posé cette question يا رسول الله أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا ومرأتي تريد الحج hey, j'ai envie de faire le jihad dans tel endroit لكن ما فهم الفرق الحج وامرأتي تريد الحج. Et ça, ça montre l'importance de poser les questions quand tu ignores quelque chose. هذا الرجل الآن صحابي رضي الله عنه. Il a été éduqué par le Nabi صلى الله عليه وسلم. Il les a éduqués هكذا. Ils posent leurs questions. Leurs questions qu'il a besoin. لكن on n'ouvre pas les portes toutes les questions, des questions qui sont pas à leur place, des choses qui ne te regardent pas. لكن cet homme là, il est concerné directement. Fait, il pose sa question. بأدب. وامرأتي تريد الحج. فقال صلى الله عليه وسلم اخرج معها النبي صلى الله عليه وسلم démontre à cet homme الآن tu ne fais pas le jihad dans tel et tel endroit toi cette année tu vas avec ta femme au hajj ça ça montre l'importance qui donnait à الصحابة رضي الله عنهم لهذا الشيء قال الشيخ عبد المحسن رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم السائل في هذا الحديث إلى ترك الجهاد pour montrer l'importance L'importance que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a donné à ce sujet. Tu délaisses le jihad pour voyager avec ta femme. Hatta ta femme elle voyage pas sans mahram. قال مع امرأته للحج ولو حجت المرأة بغير محرم صح حجها وأثمت لسفرها بدون محرم. Et ça c'est une مسألة importante كذلك. لأن ربما une femme elle entend مثل هذا الكلام et elle a fait le hajj à l'époque sans mahram et elle se demande est-ce que son hajj il est valide ام لا. Le hajj il est valide. Si elle a les conditions qu'on verra, l'arcane, elle a fait les wajibat, le hajj en lui-même, il est valide. Lakin ce voyage qu'elle a fait, elle a désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, fait aller athima. Elle a des péchés par rapport à son voyage qu'elle a fait sans mahram, elle fait tawbah, elle demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, et elle ne recommence plus, et son hajj, il est sahih, incha'Allah. قال وأثمت لسفرها بدون محرم لأن اشتراط المحرم شرط للوجوب لا للصحة. C'est un شرط للوجوب. أي, ce شرط S'il n'est pas présent, le hajj n'est pas obligatoire. Ça ne veut pas dire que s'il n'est pas présent, le hajj n'est pas valide. Là. Thumma al-an, Cheikh Abdel Mohsin, il va démontrer c'est quoi le mahram. C'est qui le mahram ? Qal wa mahramul mar'a zawjuha. Et là, c'était zawj, liyanna. C'est celui qui a la plus grande responsabilité envers sa femme. Qal wa man tahrum alayhi ala ta'bid bi sabab ou sabab mubah. Fal mahram min al-nasab ka abiha wa abniha wa akhiha wa ammiha wa khaliha. Naam. Al-Mahram, ça peut être min jihat al-Nasab. Et il a des liens directement avec cette femme. Imma, c'est son père. Imma, c'est son frère. Imma, c'est son fils. C'est son oncle paternel, maternel. Ou min al-Sabab. Et il n'a pas un lien de parenté ma'a, lakin il y a un sabab, une cause qui l'a rendu que c'est un mahram. Qala imma bi-rada. Matalan, l'allaitement. Ka abiha wa abniha wa akhiha wa ammiha wa khaliha min al-rada. Son père. Par rapport à l'allaitement, ou son frère d'allaitement, ou son oncle, etc. قال وإما بالمصاهرة. أي l'alliance, qu'on appelle l'alliance. كأبي زوجها. أي son beau-père. قال وابنه. وزوج أمها. Etc. Il a cité des exemples. كذلك وزوج بنتها. كذلك son beau-fils. Maintenant la femme, le mari de sa fille. Tout ça c'est des maharim. المهم أن المرأة elle fait bien attention à هذا. Elle fait que ce soit le hajj ou autre ma'a al-mahram. Et, en fait, celui qui réfléchit, c'est pour maslahat al-mar'a. Al-mar'a toute seule, elle est en danger. Khassatan fi hadha al-zaman. Kam min ashrar, kam min fussaq. En fait, tout ça, c'est pour préserver trompé la femme. لكن بعض الناس sont في جهل et ils ont une mauvaise niya. مسألة إذا أرادت المرأة أن تحج فهل لزوجها يمنعها؟ Ça c'est une mas'ala qui est liée avec la mas'ala précédente. Si cette femme elle veut faire le hajj, est-ce que son mari, maintenant son mari c'est le mahram, c'est le premier. On commence par lui. Lakin il refuse. Il ne peut pas pour une raison quelconque et il refuse. Est-ce qu'il peut interdire à sa femme de faire le hajj? Al-jawab la. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع أهل العلم على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى حج التطوع وذلك لأن حق الزوج واجب فليس لها تفويته بما ليس بواجب كالسيد مع عبده أما si c'est un حج qui est pas obligatoire elle doit obéir à son mari, elle fait pas le حج لأن les droits du mari passent avant cette adoration qui est pas obligatoire, une chose recommandée, l'obligatoire il passe avant le recommandé. بقية si c'est حجة الإسلام. Cette femme, elle n'a jamais fait le hajj. Elle a l'argent, la capacité, elle doit faire le hajj. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله بعد أن ذكر قول المنع قول الجمهور أي qu'il n'a pas le droit de l'interdire في هذا الحال. قال لأنه فرض. C'est une obligation, c'est un ركن من أركان الإسلام. فلم يكن له منعها منه كصوم رمضان والصلوات الخمس ويستحب أن تستأذن في ذلك. نعم. Comme il l'empêche pas, il n'a pas le droit d'empêcher de faire le salat, de sortir le zakat, de faire Ramadan, il n'a pas le droit. La ta'a fi makhlouq, li makhlouq, bi ma'siyat al-khaliq. Wa qala Isa sallam innama at-ta'a fi al-ma'ruf. Fa fi hadha al-hal il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Lakin min al-adab kama qala al-imam Qudama wa yustahab an tasta'dhinahu fi dhalik. Lakin elle lui demande la permission. Nassa alayhi Ahmed. Fa in adhina, si lui donne la permission, alhamdulillah. On précise avec un mahram. Son mari l'an il peut pas. Il travaille ou il a déjà fait le hajj ou il est muhim, il a une excuse. Elle part avec un mahram, son père, son frère, son fils, etc. فَإِنْ أَذِنَا وَإِلَّا خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ. S'il ne veut pas, et alors qu'elle a un mahram, elle a son argent, etc. فَفِيَا دَلْحَالَ, elle lui demande, et s'il ne veut pas, elle part quand même. لِأَنَّ طَاعَتَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ, elle passe avant طَاعَتْ الزَّوْلِ. Et nous, on conseille les maris de ne pas empêcher. لِمَادَ tu l'empêches. إِحْمَدِلَّهَ أَنَّ ta femme, elle a cette niya, elle veut faire هذا الخير. Le mieux, c'est que tu partes avec elle. أحسن. Si tu peux pas, Inch'Allah, avec son père, avec son frère, avec une personne de confiance de ses proches. Le mahram, il faut qu'il soit de... كذلك, un mahram de confiance. Un enfant qui connaît rien, c'est pas un mahram. Un enfant. Là, le mahram, il a des conditions qu'on va pas citer ici en détail. Wallah al-musta'an. Avec tous ces shurut qu'on a cités, l'islam, wa al-bulugh, wa al-aql, wa al-hurriya, etc. Ou al mahram lil mar'a, avec tout ça le hajj il devient obligatoire. Et inchallah on voulait finir quelques masail lakin ذهب الوقت نكتفي بهذا القدر حياكم الله نسال الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والحمد لله رب العالمين.